Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « Écrire l'histoire » avec l'écrivain Fabien Serruti, Justine Breton, maître de conférence et autrice, l'historien Laurent Vissière et l'écrivain Jean-Laurent Del Socorro, dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. On a le plaisir d'accueillir un beau panel d'intervenants. Les plus fidèles d'entre vous les ont déjà, je pense, tous vus sous ce chapiteau, mais pas dans cette configuration-là. Sur une thématique qu'on a déjà eu aussi un peu l'occasion d'aborder, écrire l'histoire, alors sous des titres différents, mais Jean-Laurent et Fabien, je ne sais pas si vous avez ce souvenir, parce que vous intervenez sur beaucoup de sujets, mais l'un en 2016 et l'autre en 2018, on parlait de ce sujet-là. On va explorer, dans un titre qui était très frugal, hein, écrire l'histoire. Donc ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. On va explorer un peu cette question entre le récit, qui peut être un récit scientifique ou fictionnel, et puis l'histoire, dont on verra comment il faut la qualifier en tant que matériau. Je vous présente un peu plus en détail notre panel. À côté de moi, Fabien Serruti, hein, qui est agrégé d'histoire, mais qui est connu ici surtout pour sa saga du bâtard de Kosigan, auteur de fiction. On reviendra en détail. Justine Breton, qui est maître de conférence en littérature française à l'université de Reims et affectée à Troyes, si je ne dis pas de bêtises. Donc presque la régionale de l'étape, si j'ose dire, dans notre grande région Grand Est. Oui, Troyes, c'est presque comme Épinal maintenant, en tout cas pour nous, dans notre quotidien. Jean-Laurent Del Socorro, qui, alors je ne sais même pas pour parler d'histoire par quel ouvrage j'attaque, mais qui, je dirais, a cette manie, je ne sais pas si c'est une manie, en tout cas qui a ce goût pour puiser dans le matériau historique dans la plupart de ses romans, si ce n'est tous, tu nous diras. J'ai peut-être raté des choses. Et Laurent Vissière, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université d'Angers, plutôt spécialiste de la fin du Moyen-Âge et de la guerre, même s'il a plein d'autres lubies. Vous avez pu l'entendre parler tout à l'heure des spectres, et reviendra tout à l'heure avec des vampires. Donc comme quoi, quand on parle de la guerre, la guerre mène à tout, l'histoire mène à tout. Première peut-être entrée en matière. Alors j'ai pas forcément les mêmes questions pour tous. On est dans une table ronde. Vous vous sentez libre. Hein, vous prenez le micro. Vous intervenez quand vous voulez. Non, vous vous l'arrachez pas des mains. Normalement, vous en avez un chacun. Faudra peut-être le prendre et le rapprocher parce que je pense qu'on est un peu loin. Donc pour qu'on vous entende bien, n'hésitez pas à les prendre. Moi, ma première question s'adressait plutôt à Jean-Laurent et à Fabien. Finalement, quelle plus-value ? Pourquoi donc s'embêter quand on est un auteur de fiction avec l'histoire ? Pourquoi s'embarrasser finalement de tous ces trucs pénibles, la documentation, tout ça, quand on fait un récit ? Bonjour à toutes et tous. Moi, je dis souvent pourquoi je me suis emparé de ce matériau, parce que je suis un feignant, en fait. En termes de récit, en fait, quand je commence à écrire, je voulais m'intégrer dans le genre, mais très vite, je me rends compte que écrire dans le genre de la fantasy, il y a une création d'univers qui est colossale, à la fois pour l'inventer, à la fois pour le mettre en cohérence, et à la fois pour la corriger, et la faire vivre. Et donc, feignant que je suis, je me dis, prenons le matériau historique. Donc, je suis assez féru, non pas que j'ai de formation comme tu peux en avoir, Fabien, mais par appétence personnelle. Et j'ai le décor, en fait, qui m'est donné. J'ai une trame, si ce n'est cohérente, au moins très détaillée. J'ai en toile de fond, j'ai la grande histoire qui me donne le décor. Donc, c'est relativement facile. Et même pour mes personnages, je peux aller puiser dans de multiples personnalités historiques. Évidemment, je le dis à moitié en plaisantant. Alors, il y a un peu de ça quand même, hein. C'est d'avoir un cadre très fort. Moi, ça m'a rassuré, dans lequel je peux distiller un peu de fantastique. C'est juste que la quantité de travail n'est pas au même endroit. Là où le créateur, c'est vraiment sur... où la créatrice doit inventer, chercher, faire vivre en permanence son univers. Moi, j'ai un travail de recherche en amont plus conséquent. Voilà. Quant à moi, l'histoire, c'est à la fois un matériau et un objet de jeu, un lieu d'amusement quelque part, de jouer avec l'histoire, de la transformer, et aussi plus profondément de réfléchir à la transmission de l'histoire finalement. Comment est-ce qu'on connaît l'histoire de cette époque ? A-t-elle pu être modifiée légèrement, transformée, changée ? Voilà, y a donc pas mal de liens, de choses qui m'intéressaient dans l'histoire. Également, il y a ce sentiment qu'on partage finalement des choses communes avec les lecteurs, c'est-à-dire que quand on parle au XIVe siècle du Royaume d'Angleterre, même si tout le monde ne connaît pas les détails, en tout cas, on a une idée d'à peu près de ce que représente, même vraiment très empiriquement pour certains lecteurs, mais c'est pas grave en soi, ce qu'est la chevalerie, on voit ce qu'est un château médiéval, on a une idée de ce qu'est un roi à l'époque médiévale, même si tout ça reste flou et peut-être approximatif. Néanmoins, il y a un partage d'un point de départ commun qui permet, je trouve, de se concentrer d'autant plus sur l'histoire, les intrigues et les choses, vraiment profondes de la narration qu'on veut amener et qu'on veut développer. De ton côté, Justine, toi, tu n'écris pas. Par contre, tu analyses des fictions. On reste dans le domaine. Moi, j'ai le côté facile. Hein. C'est eux qui créent et moi, je dis du mal après. On reste dans le domaine de la fiction. Alors, je dirais avec deux entrées, peut-être. Il y a effectivement la fiction contemporaine, la manière dont elle redigère l'histoire. Et puis, il y a aussi cette connaissance, pour pouvoir la comprendre, de la fiction médiévale. Parce que l'opposition qu'on pourrait un peu imaginer, que j'ai dépeint en deux mots au départ, quelque part, l'historien qui rédige de manière très sobre, très neutre, dans une analyse pure et qui nous décrit la société médiévale, et puis de l'autre côté, l'auteur de fiction qui se lâcherait complètement pour éventuellement nous laisser quelques bribes à digérer ou pas. Entre les deux, il y a tout un univers, il y a plein de passages, et il y a notamment cette question de la fiction médiévale. Alors, comment on l'analyse, comment on l'approche? Est-ce que c'est un matériau historique, matériau littéraire? Quel regard on porte sur ces fictions anciennes? Vous avez deux heures. Grosse question, mais effectivement, hein, on a plusieurs choses. C'est que on a dans des récits de fantasy ou autres qui puisent dans ce matériau historique, on va avoir des éléments, tu disais, de recherche qui transparaissent. Et qui transparaissent, j'ai envie de dire légèrement, parce que je ne sais pas, en tant que lecteur, si on se rend bien compte de la masse de travail et de recherche qu'il y a pu avoir des fois pour une description qui va faire trois lignes. Ça doit être extrêmement frustrant, moi, je trouve, au niveau de cette préparation. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être sur un double discours dans ce type d'œuvre, parce qu'on va avoir à la fois un regard porté sur la période médiévale, la période moderne, etc., et un regard sur notre époque. Parce que c'est toujours la question de savoir d'où on regarde. Ce qui fait qu'on va avoir à la fois ce regard sur le Moyen-Âge et ce regard sur nous, enfin Moyen-Âge ou autre, mais je parle de ce que je connais le moins mal, le regard sur cette époque ancienne et le regard sur notre époque contemporaine et la façon dont on reçoit cette époque ancienne. Et les textes de fiction vont avoir pour but justement de lier les deux de façon à ce que ça nous paraisse à la fois familier, parce qu'il faut qu'on puisse rentrer dans l'histoire, qu'on s'attache aux personnages, qu'on ait des sentiments en commun, des émotions, qu'on puisse comprendre le parcours de ces personnages, et en même temps qu'on ait ce côté dépaysant de la fiction historique. Donc moi, mon rôle, c'est de décortiquer un petit peu tout ça, et le but, c'est pas de dire ça c'est anachronique ou ça l'est pas, parce qu'on est dans un monde de fantasy, ou de toute façon, il n'y a pas de question d'anachronisme. La question, c'est de voir comment les auteurs ou les créateurs ont réussi à s'emparer de l'histoire pour pouvoir créer leur propre version. Et là, on parle de l'histoire, mais en plus, là, on a deux auteurs qui se nourrissent aussi énormément de références culturelles et littéraires. Et on va retrouver tout ça par bribes régulièrement dans leurs textes. Et tu parlais un effet de connivence avec le lecteur qui connaît au moins des grands éléments sur telle période historique, mais on retrouve aussi des éléments de culture partagée, même dans un monde qui n'a aucun rapport. Et du coup, on va pouvoir s'appuyer sur tout ça pour créer directement un lien avec le lecteur. Et je pense que pour nous à étudier, alors c'est une horreur parce qu'il faut repérer toutes les références et toutes les recherches de ces gens. Y compris celles auxquelles l'auteur n'a pas pensé. Et pourtant, l'auteur pense déjà a pensé de... à tout. Exactement. Ah, pardon. L'auteur est très très fort. Et toi, tu essayes de trouver des choses et de donner du sens à tout ça pour essayer de comprendre comment ils arrivent à nous inviter dans leur univers. Est-ce que, je prolonge la question, est-ce que finalement on n'a pas aussi déjà dans la fiction médiévale, quand on a la légende arthurienne, est-ce qu'on ne retrouve pas déjà cette projection, hein, si je résume quand même, on a un monde de chevaliers, mais avec quand même, censé se passer au Moyen-Âge, et on a une chevalerie, beauté casquée qui fait des tournois, on a déjà ce phénomène de projection finalement qui se présente. Moi, ce que j'étudie, c'est le médiévalisme, c'est-à-dire la façon dont on utilise le Moyen-Âge en dehors du Moyen-Âge, globalement, donc dans les romans, les jeux vidéo, la BD, etc. Mais effectivement, quand on a des auteurs du XIIe siècle qui écrivent sur la légende arthurienne en expliquant que c'est censé se passer au Ve ou VIe siècle, ils vont projeter leur propre connaissance. Ça, c'est pas médiéval. Ils vont projeter leurs propres connaissances, leurs propres attentes sociales, culturelles, leurs propres les armures qu'ils connaissent ou des choses comme ça. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une description de chevaliers censés avoir vécu 6 siècles avant, mais qui se comporte comme les auteurs du XIIe siècle le connaissaient. Donc on a déjà des anachronismes, on a déjà une façon d'approprier le matériau historique aux propres attentes. Le seul truc, c'est que nous, on arrive encore 8 siècles après et que on a collé cette étiquette très pratique et horrible de Moyen-Âge sur 1000 ans d'histoire, alors qu'on avait déjà justement des auteurs qui étaient qui puisaient déjà dans ce qu'il y avait bien avant, etc. Donc on se retrouve avec un millefeuille d'interprétation et un millefeuille d'époque. Et, alors j'aime beaucoup les millefeuilles, hein, c'est pas mon... Voilà. Mais ça demande un petit peu de fouille, tout ça. Laurent, toi, tu es historien. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'historien peut faire de ces fictions anciennes, de cette littérature? Il y a quelque chose à en tirer, ou on prend tout, on met ça dans une grande case, bof, c'est de la fiction, de toute façon, déjà, ils font des erreurs de chronologie de 8 siècles. Laissons-leur ça, il n'y a pas grand-chose à faire. On parlait ce matin avec Emmanuelle Arioli de Ségurant. Ségurant, le titre de meilleur chevalier du monde, hein, c'est un blason remis par le pape, par l'empereur de Rome. Donc on est au XIIIe siècle et c'est l'empereur de Rome qui remet ce blason. Donc on pourrait se dire, bon, rien à en tirer, on laisse tout ça de côté. Est-ce que c'est vraiment ce que fait l'historien ou comment on aborde cette littérature pour en tirer quelque chose? En fait, si on cherche à connaître l'histoire du roi Arthur par Chrétien de Troyes, on va dans le mur immédiatement. Mais aucun historien n'est, à ma connaissance, assez bête pour faire ça. Lorsqu'on regarde de la fiction arthurienne, ce que l'on regarde, c'est d'abord l'illustration. Et non, si tu veux. Oui. On en parlera en privé. Bon, mais ce matin, Laurent aussi a fait quelques dénonciations Non, je te laisse dénoncer. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est d'une part l'illustration d'une société. Donc si on veut voir ce qu'est un tournoi, ce qu'est l'armure, le haubert du XIIe siècle, ce n'est pas dans les textes historiques qu'on le trouve, c'est dans les romans. Donc déjà, bon, c'est le truc le plus simple à utiliser. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est tout ce qui relève du rêve, du fantasme et des attitudes. Le fait qu'on revisite complètement cette mythologie dit beaucoup de choses sur ce qu'ils pensent, sur leur imaginaire culturel. Mais même... Il y a un humour sous-jacent qui est extraordinaire dans les romans arthuriens. Il y a des attitudes qui nous démontent complètement. Il y a un moment, il y a 5 chevaliers qui arrivent sous un arbre. Il y en a un autre qui défend, c'est le principe du pas, hein, il défend. Donc le premier y va, alors, je ne sais plus si c'est qui est le sénéchal, enfin peu importe, il y va, il se fait désarçonner. Le second y va, il se fait désarçonner. Puis le dernier... je crois que c'est Lancelot ou Gauvin ou peu importe, et il dit bon, ils sont déjà tous tombés, je vais tomber aussi, mais j'y vais quand même parce que en fait une fois qu'ils sont engagés dans, et pourquoi ils vont essayer de jouter avec le type qui est en face, uniquement parce que le premier est allé le voir en disant comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais là, et l'autre qui est perdu dans ses rêves ne répond pas, abaisse la visière du homme et charge. Donc, il charge, il démonte le premier, il revient à sa fontaine sous son arbre. Donc, le deuxième, il va, comment tu t'appelles? Il répond pas, paf. Et il y a une espèce de comique de répétition. Et on voit une espèce... ils sont complètement aveuglés dans le... Et c'est tout comme ça. En réalité, leurs réactions sont extrêmement surprenantes. mais c'est en même temps très frais parce qu'il ne fonctionne pas comme nous. Et il ne fonctionne évidemment pas comme un guerrier celte du 5e siècle. Ils illustrent une certaine forme de pensée et d'agir qui nous est complètement étrangère, et en même temps, le décalage est comique. C'est-à-dire qu'on peut le voir en historien, et puis on peut le voir pour le pur plaisir d'une réaction qu'on n'attendrait pas. Et tu... L'épisode que tu évoques, ça me faisait penser, il y a un autre moment chez Chrétien de Troyes où je crois que c'est Lancelot, justement. C'est dans le Lancelot en prose. Ouais. Hein, c'est pas... Oui, mais chez Chrétien, il tombe sur, je crois que c'est 3 bandits, et les bandits vont décider d'attaquer le chevalier. Alors, bon, déjà, c'est Lancelot, donc si vous voulez, on sait qu'ils sont mal partis, même s'ils s'y mettent à 3. Le problème, c'est qu'on est dans, alors, à la fois une représentation d'une autre société, et en plus, on est dans des codes littéraires bien établis qui font que bah, un combat, c'est un contre un. Donc, les 3 bandits, hein, des bandits de grand chemin qui sont donc par définition des criminels, vont attendre leur tour un par un. C'est du tour par tour, hein, un petit peu. Et ils vont aller attaquer un par un le chevalier, en voyant encore une fois pertinemment que les 2 premiers se font ramasser directement. Mais le 3e, parce que c'est le code qui veut ça, parce qu'il y a une forme d'honneur, alors même que c'est un bandit, va aller attaquer le chevalier en sachant pertinemment qu'il va se faire au mieux estropié à la fin. Mais voilà, vous vous lisez ça, mais vous dites, mais alors, à la limite, mettez-vous tous les 3 en même temps, vous aurez peut-être une chance, mais non. C'est très drôle. Ouais, je lève la main parce que moi, je suis professeur, donc... Les bons élèves. Il y a aussi toute une question de changement d'époque à ce moment-là, parce qu'on passe d'un monde ancien qui était vraiment, vraiment très tourné vers le thaumaturgique, à un monde qui est beaucoup plus chrétien et où la morale devient capitale. Donc, en même temps, on éduque les chevaliers. Non, c'est pas bien d'égorger les gens. Arrêtez maintenant, c'est mal. Plus rien faire. On fait des choses genre la paix de Dieu, la trêve de Dieu, on invente le droit d'asile. Autant de choses qui vont en parallèle de cet imaginaire arthurien et qui ont à la fois, bon, sont des écrivains, mais en même temps, ça a un but morale de formation d'une nouvelle société derrière. Et le Moyen-Âge a ça d'extraordinaire, qu'il est au croisement de cet imaginaire ancien, antique, fait de rituels, fait de magie, de thaumaturgie, de superstition, et ce Moyen-Âge qui prend de l'essor, Moyen-Âge chrétien, le Graal, c'est un peu le symbole de Jérusalem, hein, qu'il faut trouver, qu'il faut conquérir, qu'il faut garder. Et c'est, je trouve, moi, c'est l'une des choses qui m'a fait choisir justement d'écrire dans l'histoire et de pas inventer un univers parallèle. C'est que je trouve ça très intéressant en filigrane derrière mes histoires de grands chevaliers, de combat, parfois haute en couleur ou parfois très sombre et voilà, même un petit peu sale par moment. Eh bien, il y a toute cette réflexion sur ce changement historique, ce bouleversement du monde et le questionnement du pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui. Nous, il nous reste des légendes sur ce qui se passait autrefois, enfin la vision plus ancienne du monde. Mais évidemment, moi, dans mes romans, l'idée, c'est que ça a été déformé entre deux et que si tous les gens croyaient à la magie quasiment pendant une bonne partie encore du Moyen-Âge, pas jusqu'à la fin, c'est vrai, mais enfin une bonne partie du Moyen-Âge, eh bien, c'est qu'il y avait des raisons. Si même les papes s'y légiféraient dessus, si même les rois légiféraient dessus, c'est qu'à l'époque, c'était vrai. Évidemment, il y a cette réflexion du fait que l'histoire a pu être transformée entre deux. Évidemment, c'est faux, hein, je précise. voilà, je vous avoue la vérité. mais c'est un acte imaginaire qui se base sur des éléments d'analyse un peu réels de cette évolution au cours du Moyen-Âge. Les points d'attache que tu trouves, on pourra y revenir. Laurent, peut-être juste pour terminer, avant qu'on soit trop décalé, sur cette question de l'idéal chevaleresque, qu'est-ce qu'il a comme place à la fin du Moyen-Âge, je dirais, dans l'esprit, dans la culture d'un côté de la noblesse, et dans la réalité très concrète de la guerre, telle qu'on la pratique, de l'autre? Comment on balance... L'idéal chevaleresque ne cesse d'être exaucé durant tout le Moyen-Âge. Et jusque en fait, au XVIe siècle, hein, François Ier est un roi chevalier. Henri II est un roi chevalier qui meurt en tournoi. Il n'y a, y a aucun doute là-dessus. Il y a une vraie réalité. Et à la guerre, ils essayent de procéder en chevalier. Le bon chevalier Bayard, il est encensé par ses contemporains parce que lui, quand au cours d'une campagne, il loge chez des paysans, lorsqu'il quitte la maison, il ne fait pas comme les Allemands, il ne met pas le feu à la chaumière. Parce que les soldats ont l'habitude d'incendier la maison dans laquelle ils ont passé la nuit. Bon, après avoir violé les filles de la maison et pillé ce qu'il y avait à piller. Donc, on voit que cet idéal chevaleresque peut être mis en pratique. Le fait qu'on insiste lourdement sur le fait qu'ils le mettent en pratique peut laisser entendre que tout le monde ne le fait pas. Mais cet idéal est une réalité. Et à côté de ça, il y a d'autres corps d'armée qui, eux, n'ont aucun idéal. Le 16e, on voit le développement de toutes sortes de corps, ce qu'on appelle les aventuriers, des soldats irréguliers, et eux, ils sont incontrôlables, hein, par définition. On a connu ici, dans la région d'Épinal, de Nancy, en Lorraine, dans les années 1440-1442, des bandes qu'on appelait les écorcheurs. Tu penses que l'idéal chevaleresque... Tu étais encore jeune à l'époque. N'arrêtait pas chevillé au corps. Ben oui, j'étais beaucoup plus jeune. Les écorcheurs, c'est ce qu'il y a eu de pire. En fait, c'était tous les soldats dont on n'avait pas payé la solde en France, dont on ne savait pas quoi faire puisqu'il y avait une paix avec l'Angleterre, enfin une trêve en 1444. Et donc, il y a une idée satanique à la cour de France. On va les envoyer ailleurs. Donc, on les envoie en Lorraine et dans l'Empire. Et donc, ils vont tout saccager sur leur passage. Ils étaient normalement envoyés contre les Suisses, mais ils se mettent avec les Suisses, ils saccagent la Lorraine, ils saccagent l'Alsace. Et en fait, on laisse les Cheleux se démerder avec eux, et il y en a très peu qui reviennent. Mais par contre, ils ont laissé un souvenir mais absolument atroce. Hein. Apparemment, ils ont tout brûlé sur leur passage. Et ils s'appelaient déjà écorcheurs, non pas qu'ils écorchaient vifs leurs victimes, mais qu'ils ne leur laissaient rien. Hein, donc, ils leur prenaient tout. Jean-Fabien, vraiment, c'est la fatigue. Fabien Laurent, on peut tout faire, toutes tes combinaisons. Tu citais tout à l'heure ces points d'ancrage. Tu as dans ton récit aussi une double, donc dans la saga du bâtard de Cosienne, tu as une double chronologie entre finalement l'essentiel des faits qui se passent au Moyen-Âge et la redécouverte, l'héritier du bâtard et quelques grands d'ailleurs historiens du 19e siècle. Tu introduis dans cet écart la question de la source incroyable, quelque part, c'est-à-dire celle qu'on ne peut pas croire ou celle qui fait douter. Tu avais l'intention d'amener cette réflexion sur l'histoire et comment tu construis, parce qu'on les voit aussi évoluer au fil des tomes, dans cette finalement relation avec une source qu'ils ont. Et alors voilà, tu prends en plus cette figure d'un historien à travers Léopold de Lille. Comment il réagit? Comment tu le fais réagir? Et je dirais jusqu'où tu t'es amusé un peu avec cette figure de celui qui doit douter. Eh bien, comme de juste, il doute. Il doute et bah, évidemment, dans mon roman, petit à petit, il découvre des sources qui vont l'amener à d'abord hésiter et puis revenir un petit peu sur ses certitudes. Et c'est le point de départ de toute cette réflexion qui est une sorte de réécriture de l'histoire en définitive. Ce rapport aux historiens du 19e siècle, il est pour moi assez intéressant parce que ces gens étaient des historiens littéraires. Ils aimaient écrire et ils mettaient en scène leurs recherches et autres et je trouve ça extrêmement agréable et intéressant et c'est pour ça que je suis allé chercher la vie c'est de Lille au secours de l'héritier de Kosigan qui lui vit effectivement à la belle époque, hein, donc dans un monde rationnel, sans magie, et qui va essayer de trouver autant qu'il le peut dans l'architecture, dans les archives, des sources qui indiqueraient que le journal de son ancêtre n'est pas un tissu d'ânerie inventé le lendemain d'une soirée un petit peu trop arrosée en Lorraine, je comprends. On le vécu. Bretagne, peut-être, non ? Ah, Bretagne, pardon. Et donc, c'est effectivement cette histoire où petit à petit, on progresse dans cette recherche de la, entre guillemets, vérité, hein, de la, des raisons pour lesquelles ce qui était, dans mes romans, encore une fois, hein, vrai, c'est-à-dire tout ce qui était magique, toutes les créatures surnaturelles qui, dans mes romans, ont réellement existé, comment elles ont pu passer du côté des légendes ? Comment, pendant des millénaires, on a pu y croire ? Et comment, brusquement, elles n'ont plus existé ? Comment, dans les archives papales, on est passé de papes qui condamnaient et qui inventaient des punitions pour chaque type de magie, précisément, pour les nécromanties, les tempestaries, etc. etc. Il y avait une sorte de liste très précise de toutes les possibilités magiques. Et comment on est passé de ça à, avec la chasse aux sorcières, quelque chose de beaucoup plus généraliste, on va dire, où l'Église s'en prend aux sorciers, sorcières, qui sont en contact avec les démons. Et on a eu ce basculement au XIVe siècle, et c'est pour ça que moi, je me suis inscrit dans cette période-là. Et donc, l'héritier, avec l'aide de ces historiens du XIXe siècle, va découvrir, différents éléments qui vont dans le même sens dans l'architecture et les archives réelles, qui vont dans le sens d'une possible existence. Je répète que tout cela est faux. Hein, voilà. Vont découvrir ça dans les archives réelles et découvrir comment, finalement, ça a pu disparaître de l'histoire officielle, et cela sans extraterrestres, sans monde parallèle, voilà, et sans grande magie qui a tout transformé d'un coup. Voilà. Comment, naturellement, on aurait pu faire disparaître la magie de l'histoire ? C'est ça. Je me fais un peu l'avocat du diable. C'est peut-être pas un truc à dire quand on parle de chasse aux sorcières, mais pour pas expliquer aussi, mais justement, tu parles de créatures, etc., qui, alors, dans la fiction, auraient existé. J'aime bien toutes les précautions. Hein, que... Mais si on regarde bien, alors, Vincent de Beauvais annonce l'arrivée d'hommes à tête de chien, de cynocéphales à la cour du roi. Oui, ben, écoute, les soirées arrosées, c'est pas une invention du XXIe siècle, voilà. Mais justement, on a, enfin, au Moyen-Âge, je vais prendre la période dans son ensemble, mais alors on a des gens qui voyagent, on a des récits de témoignages de contrées lointaines, etc. On a des choses, mais témoignages écrits ou plus souvent oraux. Alors, quand on transmet un message de personne en personne, vous savez comment ça peut évoluer, mais pour la plupart des gens, ils voyagent quand même très peu autour, enfin, en dehors de, voilà, les quelques, ou pire, centaines de kilomètres autour de chez eux, et c'est déjà énorme. Voilà, avec les pèlerinages, on voyage un peu plus, mais tout le monde ne fait pas de pèlerinage. Donc on s'appuie sur des témoignages. Mais ce qui fait que pour quelqu'un qui aurait vécu dans l'équivalent d'Épinal au XIIe siècle, bah, a priori, vous n'avez jamais vu de girafes, de rhinocéros ou de choses comme ça. Des choses qu'on sait parfaitement aujourd'hui, que ça existe. Donc, si vous voulez, on n'a pas conscience de la possibilité réelle d'existence d'une girafe plus que d'un dragon. Il n'y a pas de raison qu'il y ait l'un qui existe et pas l'autre. Quand on regarde les créatures qui existent actuellement aujourd'hui, avec des poissons qui font de la lumière pour attirer leur proie, ou on a des types de dragons, on a des insectes géants, enfin des choses absolument atroces. J'ai envie de dire, à côté, un cheval avec une corne au milieu du front... Voilà, c'est limite banal, quoi. Donc, ce qui fait que dans les récits et dans les témoignages qu'on va avoir, dans les bestiaires, etc., si on n'a jamais vu de tigre, on n'a jamais vu de girafe, il n'y a pas de raison que ce soit un animal plus réel, plus exotique qu'un dragon ou une licorne. Ce qui fait que, oui, peut-être que ça existe. Après tout, on ne connaît pas plein d'endroits du monde. Et ça peut faire vaillir un esprit... peut-être très ouvert aussi en disant, bah oui, mais on n'en a jamais vu, mais on m'a raconté que ça peut être vrai. Donc voilà, on a aussi cette volonté de s'ouvrir à différentes formes de magie, avec après les dérives que ça peut entraîner, mais après tout, pourquoi pas. Oui, moi j'aurais rebondi sur le monde plein de magie, mais il est plein de magie, des sorciers, il y en a partout, et de vrais sorciers. C'est l'image du sorcier démoniaque est en effet une invention de l'Église, plus 14e mais plutôt début 15e, mais des sorciers, il y en a dans tous les villages, c'est des guérisseurs. Alors, ils se prêtent des pouvoirs qu'ils peuvent avoir, genre les brûleurs de feu ou tout ça, des pouvoirs qu'ils n'ont pas, les tempestaires qui influent sur le temps, et puis des choses plus étonnantes comme les passeurs de mort, hein, ceux qui repêchent les âmes et qui... Et j'ai fait une recherche sur les passeurs de mort. Je me suis rendu compte que là, dans, en Poitou et en Anjou, sur Internet, tu faisais taper passeurs de mort, il y en a des flopés. Donc, s'il y a une âme en peine qui circule chez vous, il faut demander un passeur de mort, d'essayer moi-même de la repêcher. Moi-même, à mes tempes. Voilà. Donc des sorciers, ils sont là, ils existent. Est-ce qu'ils ont les pouvoirs qu'on leur attribue ou qu'ils se donnent ? C'est une autre question, mais ils sont là. C'est Jacques Le Goff, je crois, qui disait qu'à partir du moment où la croyance est là, elle existe. La licorne, pour lui, il n'y a aucun doute. La licorne existe au Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire que l'animal existe, mais pour un homme du Moyen-Âge, la licorne, elle existe. Et donc, si on part du principe qu'en plaquant notre raisonnement, la licorne n'existe pas, on nie quelque part une partie de la société médiale. On a beaucoup, beaucoup parlé de Moyen-Âge, mais Jean-Laurent... toi, tu as exploré plein de périodes. On a vu avec Fabien que cette documentation, hein, on cherche des points d'ancrage, on cherche des éléments avec lesquels on peut jouer, on peut chercher beaucoup de choses. Toi, tu t'es prêté à ce jeu pendant les guerres de religion, hein, à la fin du XVIe, dans l'Antiquité, celte ou grec. C'est une appétence dévorante. Est-ce que tu as des périodes où ça t'a semblé plus simple ou plus attirant, ou est-ce qu'au contraire, tu souhaites surtout ne pas retravailler sur le même espace parce que tu as envie d'en découvrir d'autres ? Ça ne me gêne pas de revenir sur une période, mais par contre, effectivement, d'une période à l'autre, j'ai pu me rendre compte de la difficulté. Quand on est sur la période des guerres de religion globalement de la Renaissance, on est sur un équilibre qui, moi, me convient. C'est-à-dire on a des matériaux, on a des ressources... sur lequel moi je peux m'appuyer, que je peux voir, comprendre, avoir des experts et des expertes. Et plus on s'éloigne, plus on fait apparaître du coup de l'archéologie. On travaille sur une autre forme de science. Et là, c'est horrible pour moi parce que on est sur, par exemple, sur deux points. Je vais soulever deux difficultés que j'ai et que souvent les collègues ont. Le premier, c'est plus on s'éloigne, plus on est sujet à des recherches qui évoluent. Donc c'est vrai que du coup, par exemple sur la période antique, je tombe sur des articles qui, à 10 ans d'intervalle, se contredisent parce qu'il y a eu des recherches entre-temps. Ça bouge très vite, je trouve parfois même plus vite que certaines périodes. C'est beaucoup d'archéologie aussi. C'est beaucoup d'archéologie, tout à fait. Et visuellement, c'est compliqué parce qu'il n'y a parfois pas grand-chose. Donc restituer des visuels... c'est compliqué, surtout sur des espaces comme des cités. J'ai travaillé sur Sparte. Moi, me revisualiser Sparte tel qu'il était à partir de données archéo, heureusement que j'avais une spécialiste qui m'a accompagné, c'est extrêmement compliqué. Parce que, deuxième point de difficulté, plus on s'éloigne, plus on a affaire à une problématique qu'on n'a pas forcément en tête, d'ailleurs, je ne sais pas quel avis tu auras là-dessus, Fabien, quand on écrit de l'histoire. Évidemment, c'est essayer d'avoir les sources, s'en inspirer, pas trop dire de bêtises, en tout cas essayer d'être entre guillemets fidèle, ça veut rien dire quand on est romancier, mais essayer d'avoir quand même une certaine réalité historique. Mais surtout, c'est s'affranchir de l'imagerie, ce que j'appelle l'imagerie de la pop culture qu'on a. C'est-à-dire, plus on s'éloigne... Alors déjà, là, évidemment, il y a le fantasme, on s'était évoqué dans la table ronde, le fantasme et toute la pop culture sur le Moyen-Âge... qui est forcément gris, sale, qui est véhiculé par le cinéma notamment. Mais oui, mais aujourd'hui... Mettez-moi de la couleur au Moyen-Âge, zut. Mais exactement, mais c'est terrible. Les gens n'avaient pas les mêmes yeux, ils voyaient en noir et blanc. Peut-être, c'est une nouvelle vérité qui vient d'être dévoilée. Par exemple, mais plus on remonte, si vous voyez les réinterprétations, que ce soit par la BD, que ce soit par le cinéma, globalement, même le jeu vidéo de l'époque antique, on est sur des fantasmes assez hallucinants par rapport à la réalité. Et c'est vrai que du coup, consciemment ou inconsciemment, on a beau le savoir, on est ultra biaisé. Donc, s'affranchir de ça, c'est très, très, très, très, très compliqué. Donc, ça, c'est le premier point. C'est le deuxième point. Et j'en rajoute un troisième, en plus, sur l'antique. Et là, je m'en suis rendu compte en travaillant sur Vainqueuse. J'ai pris une grosse claque. Moi, j'ai travaillé, donc, comme vous le disiez, sur les guerres de religion. Donc, moi, j'ai une approche assez approfondie sur les régions catholiques, protestantes et autres, donc des religions monothéistes. Et quand on investit le monde antique, je plaque par-dessus mon approche monothéiste sur une approche du monde politiste qui n'a rien à voir du monde grec, et ça marche pas. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai dû revoir beaucoup ma copie. Donc, ça fait quand même beaucoup de couches comme ça que plus on s'éloigne dans le temps, plus c'est difficile à appréhender. Donc, c'est vrai que je reviendrai avec plaisir dans l'Antique, mais ça me demande deux fois plus de travail, par exemple, que la période de la Renaissance. Tu es fainéant, mais pas tant que ça quand même. Hein. Et par rapport, tu as écrit aussi hein, pour Fille de Rage sur la guerre de sécession. En tant qu'auteur, écrivain, qu'est-ce que tu as trouvé le plus simple finalement ? Aller dans des périodes peu connues, alors là le problème c'est les biais, c'est de dire n'importe quoi, mais finalement ensuite, une fois que tu as planté le décor, entre guillemets, tu as un peu une liberté d'action, c'est-à-dire que tu as peu de risques dans la chronologie fine de dire des bêtises, ou bah, la guerre de sécession, où je dirais tu es à chaque instant à la limite du faux pas. Et comment tu traites ta documentation ? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, c'est important de la respecter ? Tu l'as un peu laissé entendre à demi-mot ? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu dis, non, mais voilà, moi, j'ai puisé ce que j'avais puisé. Maintenant, c'est écrit que c'est un roman. Venez pas m'enquiquiner parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles. Alors, le « Je suis fille de rage sur la guerre de sécession », c'est vraiment une leçon d'humilité, en fait, que j'ai prise parce que j'y suis allé la fleur au fusil. Je ne le referai pas parce que c'est, je pense que la quantité, la somme de travail à faire... en n'étant pas historien, voilà, j'atteins ma limite en fait, d'un projet de cette envergure. Je voulais écrire un livre sur la guerre de sécession. Très concrètement, j'ai écrit un livre qui est un point de vue d'un Européen sur une guerre extrêmement complexe. Je pense qu'il ne peut être vraiment restitué que par des gens qui sont des Américains, qui ont une bonne connaissance de leur propre histoire. Pour faire un parallèle, je pense qu'un Américain qui écrirait sur la Révolution française, c'est possible, mais ça demande une implication, un travail, une recherche pour ne pas avoir des choses qui sont voilà, dans notre quotidien, dans notre société. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, non, je lâche rien, en fait. Moi, je fais, je dis un peu en plaisantant, je ne fais pas de la fantasy historique, je fais de l'historique fantasy. Donc j'écris un roman historique, et dans les creux, je mets une part de fantastique. Et si je dois faire un pas de côté sur deux ou trois points, alors j'en ai fait, je pense que je fais des erreurs, mais sur celles que je vois, je le reprécise à la fin. Par exemple, dans Peine de mots perdus, qui se passe pendant le début du XVIIe siècle à Londres, bon, il y a une ou deux dates que je bouge pour un effet un peu scénaristique, je le précise à la fin. Mais normalement, tout le reste, toutes les dates, tous les événements, tous les personnages, que je peux réinterpréter de façon un peu plus libre, sont réels, existants, meurent à la bonne date, et ainsi de suite. Pour moi, c'est important. On parle, ça aussi c'est intéressant, romancier historique, c'est un peu comme le Moyen-Âge, en fait, c'est un gros pack. Mais le curseur peut être très différent. Et ce n'est pas grave, du moment que vous êtes honnête avec votre lectorat, de dire l'historicité d'un Dumas, et j'adore Dumas, parfois c'est un peu léger quand même, mais on adore Dumas. Voilà. Moi, j'essaie de l'avoir un petit peu plus haute, pas la moyenne, mais un petit peu plus haut, parce que je trouve que c'est important quand même de restituer ça. Et toi, Fabien, du coup, ce rapport aux matériaux historiques ? Moi, j'aime bien jouer avec les deux. C'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé quand j'étais étudiant Borges, qui est un tout autre type de littérature, mais qui mélangeait la vérité et l'imaginaire. Et on avait toujours le doute. On lisait Borges et on trouvait ça fantastique, mais on n'était pas sûr que ce qu'on lisait était réel ou faux. Il citait des livres, il citait des historiens, il citait des personnages. Et à chaque fois, on n'était pas sûr de ce qui était vrai et de ce qui était faux. Et j'adore jouer sur le fil comme ça. D'autant plus que dans mes romans, ça sert le propos. Puisque le propos, c'est de dire « tout a été réécrit ». C'est pas loin de ce que vous connaissez, mais c'est pas ce que vous connaissez. Il y a des choses qui ne sont pas passées aux dates que vous croyez qu'elles se sont passées. Il y a des personnages qui avaient du sang ancien, qui ont peut-être pu vivre plus longtemps, ou dont on a caché la date de naissance parce que justement ça correspondait plus aux critères de l'époque suivante. Enfin voilà, des choses comme ça. Encore une fois, je répète, tout cela est de l'imaginaire. Mais alors, j'aime ton point de vue. J'aime ton point de vue, mais tu vois, moi, j'ai le regard de celle qui va ensuite travailler sur ces textes-là. Et moi, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps en travaillant sur le Sorceleur, The Witcher, de les romans d'André Sapkowski. Il va dire le nom vite. Sapkowski. Oui, c'est du polonais. C'est pas toujours facile à prononcer quand on n'a pas l'habitude. Et c'est très très bien, hein, ces références et ces fausses références historiques et mêlées à des vraies. Mais c'est une horreur à étudier. Moi, j'ai passé des journées entières à retrouver l'historien du 15e siècle qui citait à cet endroit-là. C'est notre vengeance. Et dans, ouais, enfin, voilà, merci. Et dans les sources polonaises, hein, donc voilà. Et plus, et puis après, il cite Tolkien. Donc, si tu veux, Tolkien, ça c'est bon. Je resitue plus facilement. Des choses plus contemporaines. Puis après, je fais, mais c'est pas possible. Ça, c'est un historien que je trouve nulle part. Florence Delannoy, il la cite à plusieurs endroits, etc. Et c'est en plus un élément qui était important pour ce que je voulais étudier. Donc, je pouvais pas juste passer à côté. Et je cherche. Et en fait, non, c'est un historien qui l'a inventé, mais qui cite à plusieurs moments en donnant différents textes comme s'il avait publié plein de trucs. Voilà, donc c'est très très bien, mais c'est chiant. Moi j'aime bien. C'est pas le même procédé narratif que quelques chroniqueurs du Moyen-Âge. Ah, c'est vrai. En fait, mais j'aime l'idée, hein. Il y a aussi l'idée qu'on va reconstituer l'histoire et puis quand il manque des morceaux, on invente. Voilà, on prend l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth, il a pris les sources qui existaient, qu'il avait, etc. Et puis quand il manquait des passages, il a inventé. Alors, si vous voulez, les moments où il explique qu'il y a des géants ou des dragons enfermés sous terre, on se doute qu'il y a eu de l'invention. Voilà, on a des grandes pistes. Mais parfois, c'est subtil, parce qu'entre ce qu'il avait comme source, ce qu'il a retenu, ce qu'il a réinterprété, et puis la sauce qu'il fait avec tout ça, bah, essayer de démêler le vrai du faux, bah, bon courage. Hein. Oui, et ça nous amène à une question que je voulais poser, c'est le point de vue de l'écriture, l'objectif de l'écriture. Tu citais finalement le point d'origine de la... Enfin, le point d'origine dans l'écrit de la légende arthurienne avec Geoffroy de Monmouth. Geoffroy de Monmouth, il écrit une histoire de Bretagne. Il n'écrit pas un roman. Et on trouve là... Alors, ça pose la question et je vous la pose et je vous laisse ceux qui souhaitent s'en emparer le faire. C'est l'objectif de l'histoire. Qu'est-ce que veut faire Geoffroy de Monmouth quand il écrit Fabien, Laurent, Jean-Laurent, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous écrivez? Et puis peut-être Laurent, voilà, entre une chronique, je ne sais pas, au hasard, la chronique de France des moines de Saint-Denis ou d'autres textes, quel objectif on perçoit derrière, qu'est-ce qui motive le fait d'écrire cette histoire? Et est-ce que de là, finalement, on ne découle pas mal de choses? Alors peut-être Justine sur Geoffroy et puis... Alors rapidement, parce qu'effectivement c'est un sujet génial et qui ferait un super sujet de thèse, donc on aurait de quoi en faire un moment, mais c'est ça, c'est qu'il faut toujours se poser la question de pourquoi le texte a été écrit, pourquoi ou pour qui, surtout. Tu parles de Geoffroy de Monmouth, dans son Histoire des rois de Bretagne, c'est présenté comme une chronique historique, mais la définition de l'histoire qu'on a au Moyen-Âge n'est pas la même que celle qu'on a construite depuis le 19e siècle. Et encore, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on a eu 2-3 évolutions. Hein. Donc, il y a cet aspect-là, mais il faut se mettre en tête que Geoffroy de Monmouth, avant d'écrire une chronique, avant d'écrire de l'histoire, il veut légitimer le pouvoir politique en place. C'est son objectif. Donc, en fait, par certains passages, le texte, on est plus sur du pamphlet illustré, imaginé avec des éléments fictifs et des éléments réels. En fait, il puise ce qui l'arrange pour servir son message. Donc c'est toujours ça, en fait, il faut se demander pourquoi ça a été écrit, pour comprendre comment les sources sont utilisées. Et c'est pour ça aussi que quand on a des auteurs de fiction qui puisent dans l'histoire, mais qui voilà, modifient les dates, qui changent des choses comme ça, mais c'est parce que ça sert le récit, parce que ça sert ce qu'ils veulent construire. Donc l'idée, c'est pas de dire « Ah ben là, il a écrit 1702, alors qu'en fait c'était 1703, et en plus je le savais parce que c'était un mardi. » Voilà, ça... Bah, d'accord, on peut dire ça, mais une fois qu'on a dit ça, ça amène rien dans l'histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut utiliser un matériau réel, historique, qui va vraiment nourrir l'histoire pour en faire quelque chose qui va, bah, là en l'occurrence, voilà, captiver les lecteurs et qui va nous faire vivre les choses. Donc c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on en fait. Alors Laurent, comment on traite tous ces ennemis là qui écrivent quand même n'importe quoi pour piéger l'historien? On a bien vu que c'était ça l'objectif, la motivation première. Et un peu embêter les si on peut être méchant. Mais pas du tout. C'est l'historien qui piège tous les autres et tous les autres qui sont dans le piège de l'historien. Il est évident que ce soit Geoffroy ou les grandes chroniques de France qui a eu un aspect mémoriel, il faut rappeler une mémoire, et qui a un aspect idéologique plus ou moins prégnant. Il y a une idéologie à mettre en avant. Et on est toujours là-dedans, on raconte quelque chose et ensuite on oblige les autres à se conformer à ce cadre. Et actuellement, l'histoire scientifique depuis le 19e essaye de redonner des dates, des cadres, d'aller de plus en plus en profondeur. Le B.A.B.A., c'est déjà de mettre des dates et des personnages. Et ensuite, si on s'arrête là, évidemment, on s'arrête à l'écume. Ce n'est pas très intéressant, mais il faut commencer par là. Mais ensuite, il y a une immersion progressive, on découvre un autre monde. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On commence à tremper les doigts de pied dans l'eau, puis on essaye de s'enfoncer jusqu'au bout, d'être en immersion totale. Et à ce moment-là, on peut respirer avec les gens qu'on étudie. Et le but ultime de l'historien actuel, c'est pas de restituer le passé, c'est d'inventer un document. Moi, je pense que je finirai ma carrière en faisant un faux et en espérant que mes collègues l'étudieront comme un vrai. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. T'es enregistré, là. Ton défi, c'est d'être meilleur faussaire que les moines du XIIe siècle. Et le faux en histoire, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et les faussaires médiévaux sont très mauvais. Hein. On peut faire mieux. Avis aux amateurs. Jean-Laurent, toi, la motivation dans l'écriture aujourd'hui, dans mes derniers récits, vraiment la ligne de conduite sur le récit historique, si j'ai pu m'intéresser à des périodes ou des événements, c'est vraiment de s'intéresser à des personnages. Aujourd'hui, j'ai tout un travail sur remettre en avant des personnalités féminines historiques, sur deux volets. Donc c'est comme ça qu'il y a Cynisca de Sparte, qui va être le moteur de Vainqueuse. Le princesse Spartiate est première à remporter une épreuve aux Jeux Olympiques antiques. Remettre en avant Julie Maupin dans Une pour toutes, célèbre cantatrice, mais surtout bretteuse et duelliste sous Louis XIV, et ainsi de suite. Et vraiment, du coup, ça va quand même changer pas mal de choses, parce que je vais avoir une entrée par les personnages. Mais bien sûr, il y a toujours un aspect romanesque, c'est-à-dire il y a quand même une volonté de faire une histoire, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette volonté-là, alors je sais que c'est le thème un peu galvaudé, mais de désinvibiliser, merci, un peu ces personnes qui, à la modeste mesure en fait, de mon lectorat, j'essaye de proposer. Voilà. C'est un peu vraiment aujourd'hui le fer de lance de mon écriture, oui. Alors Fabien, de ton côté, parce qu'il y a le bâtard de Kosygan, ce que tout le monde connaît, mais tu as aussi livré plus récemment Terra Humanis, qui pour ceux qui connaissent que le bâtard de Kosygan pourraient être un peu surpris. Voilà, est-ce que tu peux nous dire deux mots à la fois de la motivation de l'écriture du bâtard, et comme tu es enseignant, je ne peux pas m'empêcher de te dire, est-ce qu'il y avait une vertu pédagogique, même vague ou pas du tout. Et voilà, tu seras obligé de répondre à cette question que tu ne voulais pas. et puis pour Terra Humanis, voilà, enfin comment tu... Donc pour le bâtard, effectivement, faussaire, pillard peuvent être des adjectifs qui me concernent aussi. L'aspect pédagogique, oui. Curieusement, puisque en fait, j'ai effectivement commencé à écrire plutôt, pas du tout dans l'optique d'être publié, mais plutôt pour mes enfants, ados, qui pourraient lire des choses, qui pourraient enflammer leur imagination sur le Moyen-Âge ou sur cette période-là. Ce qui, moi-même, différemment, mais a fonctionné avec moi, hein, qui avait un professeur en cinquième qui s'appelait Monsieur Perceval. J'ai eu précédemment une enseignante qui s'appelait Madame Chevalier, et tous ces enseignants ont beaucoup joué pour mon amour de l'histoire. Ils avaient une manière de présenter les cours qui était plutôt à l'ancienne, mais qui était extrêmement imagée, enrichissante et prenante pour un jeune garçon, pour un jeune enfant en tout cas. Et donc oui, il y avait cette vertu pédagogique, mais à portée limitée, on va dire. Hein. Je ciblais mes enfants, et après tout, pourquoi pas. Et j'étais ravi effectivement d'obtenir à l'époque le prix Imaginal des lycéens, parce que même si c'est pas du tout une littérature young adulte, mais j'étais ravi d'obtenir ce prix parce que c'était justement ça que je ciblais au début et que je voulais réaliser. Quant à Terra Humanis, c'est pour sauver le monde. L'objectif étant de résoudre tous les problèmes de l'humanité en moins de 250 pages et en moins d'un siècle. Voilà, donc c'est fait. C'est fait. Sachez que c'est une belle utopie. On peut applaudir quand même. Merci. Voilà, merci. Voilà. Merci. Bon, les élections européennes, c'est dans 3 semaines, c'est ça ? Alors, on va faire une quête. Voilà, il n'y a plus qu'à appliquer. Voilà, c'est l'idée, c'est justement de mettre en avant sous forme romanesque des possibilités ou des choses qui pourraient être faites pour régler concrètement, je veux dire réellement, pas juste il faudrait que, mais si on le fait. Eh bien, ça peut marcher, mais on ne le fera pas. Mais si on le fait, ça peut marcher. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Donc, avec davantage de... Enfin, pas de ressort, mais un décor plus de science-fiction que de... Alors, le décor, c'est ancienne. Deux tiers d'anticipation, puisqu'on commence dans les années 2010. On suit un groupe d'étudiants internationaux qui a l'ambition d'agir et qui monte le premier parti numérique mondial. Donc dans tous les pays du monde en même temps, dédié à l'environnement et uniquement à l'environnement. Et donc c'est le point de départ. Au départ, ils font ça pour s'amuser, un peu une plaisanterie entre amis. Et puis, voilà, ça va plus loin, etc. Et ça finit en science-fiction, effectivement, avec la première rencontre interstellaire de l'humanité avec des réfugiés climatiques venus d'une autre galaxie. Enfin, d'une autre planète, qui eux n'ont pas réussi à faire ce qu'on réussit à faire dans le livre. J'aime bien les euphémismes. Après, ça va un peu plus loin. Un peu, ouais, on peut dire ça. Ouais. Là, on est peut-être dans l'exemple plume. Si on ne réussit pas, il y a une morale à la fin. On voit ce que sont devenus ceux qui n'y ont pas essayé. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Fabien Serruti, Justine Breton, Laurent Vissière et Jean-Laurent Del Socorro. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.